sa route, mais n'embûche de pièges de haine qui font que parfois on doute. Pour vivre dans cet enfer, le passé fait la force pour la vie future. Pour vivre dans cet enfer, apprends des échecs, ce qu'on a vécu. Pour vivre dans cet enfer, grâce à nos racines, on garde les pieds sur terre. Pour vivre dans cet enfer, la tête sur les épaules. Éphémère, pour s'imposer, se faire sa place.